de se transformer en un instant. Haute voltige, frégolie, au secours, je succombe, mes doutes s'effondrent, et moi avec, je suis ridicule, j'en ai conscience, mais je pleure, de bonheur, des soulagements, je m'étais donc trompé sur ses intentions, j'ai eu si peur. Peur de quoi, idiote? Tu sais bien que je t'aime, comment peux-tu douter de moi? Pendant une heure, dans l'Austin boudoir, l'Austin confessionnal, l'Austin refuge, elle me cajole, me console, me rassure. Elle me charme à nouveau comme ce lundi matin, à l'étrier, lorsqu'elle m'avait reconquise, moi qu'elle n'avait jamais au fond perdu. Les mêmes protestations d'amour, les mêmes souvenirs amers du temps de son sacrifice, du temps où, elle, a, faim, d'aimer, Isabelle. Je réécoute avec ravissement, je ressavoure. Je redéguste. Qu'elle parle bien maintenant de son amour pour moi, elle qui parle si mal de tout. J'essuie mes larmes dans le col de mon manteau. Elle frotte sa chevelure de lionne contre mon épaule, sa joue contre la mienne. Je dois être affreuse d'avoir tant pleuré. Mon maquillage. Je dois avoir l'air d'une vieille dame. Elle relève mon menton, brusquement, et me regarde au fond des yeux. Ne dis plus jamais ça. Je t'interdis. Tu es plus jeune que nous toutes. Je ne veux plus jamais t'entendre parler de ton âge. Elle n'a plus parlé de son voyage sur la côte. Par contre, Isabelle a envie d'aller voir sa mère qui était partie s'installer à Abidjan. Je lui offrirai ce voyage comme cadeau de nouvel an. Je le lui offre même avec plaisir. Je n'ai ni provoqué ni souhaité son départ. Mais l'idée de me trouver seule à Paris avec Alice tout à moi, jour et nuit, c'est pour moi la plus belle et la plus inattendue des étrennes. Déjà, je rêve de ces 15 jours où nous pourrons, comme à Cannes, enfin, dormir ensemble. Mon imagination s'affole, je nous vois toutes les deux entre 4 murs, seules, encloses, aimantes à nouveau. Mais notre chambre, ici comme à Cannes, est tapissée de photos d'Isabelle. Elle est présente sur chaque mur. Couchée, parfois, les yeux errant d'une image à l'autre, je peux suivre le chemin de sa carrière et les étapes de sa transformation. La toute première photo, pour laquelle je garde une grande tendresse, son visage rond, encore un peu enfantin, un large feutre sombre, ses cheveux en vagues sur un grand col de fourrure. Un autre, nu, couché à plat ventre, sur un drap noir, semblable à un grand oiseau aux ailes déployées. Et celle-ci, délicieusement tramée, floue, où elle relève ses cheveux en chignon, son bras arrondi, son visage penché en avant, l'air grave et doux. Celle-là encore, cheveux gominés, yeux agrandis au noir, pommettes hautes, smoking et fume-cigarette, agressive, laisse bien fatale. Et d'autres, qu'elle renouvelle sans cesse, m'entretenant dans mon idolâtrie de sa beauté, ou cultivant son propre narcissisme. Notre chambre et sa chapelle ardente. Et c'est ici que je veux retrouver le corps nu d'Alice. Profaner le sanctuaire, sans vergogne, plus de respect, plus de délicatesse, plus rien. J'oublie, je ne pense plus. J'ai bâillonné ma conscience, prudente, machiavélique, rusée, sournoise. Asiatique, je projette d'enlever toutes ces photos pour ne pas troubler à nouveau Alice dont je n'ai pas oublié la réaction dans notre chambre cannoise. Je décide de faire un plan détaillé des murs de la chambre en y signalant l'emplacement exact de chaque portrait, afin de bien les y remettre peu avant le retour d'Isabelle. Car elle reviendra, bien entendu. 15 jours avec Alice. Nuit et jour. N'est-ce pas pour l'instant tout ce que je désire? Je ne veux rien savoir de l'avenir, rien préjuger du futur. Cassandre, Pity, devin, prophète disparaissait. Je veux seulement 4 murs et Alice, seule, enclose, avec moi, son corps enfin pleinement retrouvé, moi perdu entre ses bras, mes labyrinthes tant désirés. 7. Jeudi, c'est le jour de repos d'Alice. Je lui ai dit hier en la quittant de m'appeler vers 2 heures du matin, pour que je puisse aller la rejoindre là où elle sera, afin de boire, au moins, un verre ensemble. Elle a hoché la tête en silence. Entre Isabelle et elle, Depuis quelque temps, j'ai remarqué les mêmes attitudes, les mêmes sourires équivoques qui m'avaient fait si mal sur la côte. Mais cette fois-ci, j'en ai immédiatement parlé à Alice. C'est ridicule. Puisque c'est moi que tu aimes, et je te crois maintenant, cesse donc de jouer à ce jeu dangereux avec Isabelle. N'oublie pas qu'elle a cru que cet été tu avais été amoureuse d'elle. Aussi ne lui remets pas cette impression en tête. Tu ne veux pas lui faire de mal, n'est-ce pas? Bien sûr que non, tu le sais bien. Alors sois plus distante. Ainsi, je dis, je sais qu'elle a l'intention de dîner avec toi. Refuse les têtes à tête. Ne lui fais pas de mal inutilement. Laisse-la flirter ailleurs puisqu'elle sait que je lui en laisse le droit. Mais pas avec toi. C'est une situation cruelle et grotesque. D'accord. Aussi, lorsque jeudi soir Isabelle me dit qu'elle dîne dehors, se maquille, s'habille et vient m'embrasser tandis que je suis allongée devant la télé et m'annonce, je dîne avec Alice. J'ai du mal à dissimuler ma surprise et mon indignation. Téléphonez-moi quand vous aurez fini de dîner. Je viendrai prendre le café avec vous. Isabelle me fait un petit sourire triste, sans me répondre, et s'en va. Je suis furieuse contre Alice. Une fois de plus, elle a cédé à Isabelle. Pourquoi? Pourquoi lui faire espérer quelque chose? Depuis qu'Alice m'a reconquise, je ne fais plus l'amour à Isabelle. J'en serais incapable. Je ne sais pas. Je n'aime pas coucher avec deux femmes à la fois. Je ne peux pas. J'ai beaucoup de mal à le faire lorsque les circonstances me l'imposent. Alors, pour me donner bonne conscience, depuis un mois, je joue à Isabelle une comédie aussi classique que Pietre. Je prétends que l'amour physique ne m'intéresse plus. Mon opération, comme à Cannes, ma fatigue, me servent d'excuses. Par conséquent, lui dis-je, nos rapports doivent évoluer vers l'amour-tendresse. Je lui permets bien sûr d'avoir des aventures puisque sur ce plan je ne peux plus la satisfaire. Mais surtout qu'elle ne m'en parle pas. Elle en est malheureuse et triste, affirme-t-elle, car elle me désire toujours. Je suis mal dans ma peau, je me sens si coupable envers elle, à qui je ne peux rien reprocher, que je finis par lui en vouloir. Je deviens odieuse avec elle. Je ne laisse passer aucun des heures mineures de la vie commune qu'en général on étouffe très vite pour ne pas empoisonner l'existence d'un ménage. Je suis furieuse contre elle, contre Alice et je dois me taire. Car je ne peux pas lui dire qu'elle peut coucher avec n'importe qui, sauf avec Alice, précisément. Que c'est à cause d'elle que je joue ce jeu ignoble de la ménopausée devenue impuissante. Je tais ma colère, je veux encore croire que leur sortie est amicale. Ma culpabilité à son égard allait à nouveau me permettre momentanément d'oublier l'inquiétude et la rage que leur soirée commune provoquait en moi. En effet, quand je vais me préparer à mon tour, je trouve dans la salle de bain un petit mot de sa longue et fine écriture qui lui ressemble tant. Je t'en prie mon amour, ne me laisse pas. Je ne suis mûre ni pour une séparation, ni pour un autre amour. J'ai mal. Mon Dieu, comment faire pour qu'elle ne souffre plus? Puiser la force d'être plus tendre, plus douce. Patience. Dans quelques jours elle part en Côte d'Ivoire. À son retour, j'espère, les choses seront plus claires, peut-être plus simples. 15 jours test. 15 jours de vie commune avec ma tentation de l'été. Je saurai alors s'il s'agit uniquement d'un caprice, d'une fin inassouvie, ou bien, si je suis vraiment amoureuse d'Alice. Alors peut-être faudra-t-il le dire à Isabelle. Lui faire mal une bonne fois mais une plaie nette, propre, une clarification définitive de cette ambiance trouble et que je commence à trouver irrespirable. On verra. Après Noël, je pars travailler sans qu'elle m'ait téléphoné. Me voici aux quatre, attendant un coup de fil. Je suis là et je suis absente. Bonjour, comment vas-tu? Je souris, j'accueille, j'installe les clientes. Attention, ne pas oublier que Ginette est fâchée avec Josette et Bigoudi avec Bigouda. Attention, se rappeler qu'il y a à peine un mois qu'une telle a quitté telle autre, éveiller à ce que les regards en chienne de faïence ne tournent pas aux mots acerbes, ne pas les mettre à des tables voisines. Ah, celle-ci est si timide qu'il faut que j'aille lui dire un mot. Celle-là, je la surveille, elle roule des mécaniques, Et c'est un genre que je ne souhaite pas trop voir au club. Je bois un verre à la table d'X. Elle me raconte son nouvel amour. Elle me montre sa photo puisque c'est une femme mariée et qu'elle n'est pas toujours libre. Soupir résigné. Moi, tu sais, c'est un problème que je n'ai jamais eu, dis-je en souriant. Dès qu'une femme qui m'attire annonce qu'elle est ou mariée ou qu'elle vit avec un type, je prends mes distances. Je m'en désintéresse totalement. Si je n'ai pas d'homme dans ma vie, ce n'est pas pour coucher avec un mâle par personne interposée. Oh toi, Elula, évidemment, tu choisis qui tu veux. Ça marche toujours. Tu as vraiment le choix. Tu prends, tu laisses, le choix. Et j'ai le choix vraiment. J'attends l'appel d'une petite employée à moi pour aller la rejoindre le cœur battant. Probablement dans une de ces boîtes à PD qu'elle affectionne et que je déteste. Je vais traverser Paris endormie s'il le faut, m'accouder 10 minutes devant une coupe que je ne toucherai pas, assourdie de musique violente et de rires vulgaires, au milieu de garçons en cuir qui se touchent et se tâtent, pour effleurer seulement sa main et mendier un sourire de ses yeux malicieux. Une seconde de sa présence. Est-ce cela choisir? Perdre et laisser, je tourne sans arrêt autour du bar où règne le téléphone. Peut-être vais-je arriver au moment où la sonnerie éraillée va se déclencher, parce qu'elle prendra le combiné. Elle me cherchera des yeux. Je me dirigerai vers l'appareil d'un air faussement dégagé en me demandant si elle a reconnu la voix d'Alice. Au bar, 4 filles discutent en riant. José doit débiter des énormités d'un air imperturbable, comme d'habitude. Car tout le monde rit. Aimé, son éternelle cigarette à la main, échafaudé avec Eugène la combinaison gagnante du tiercé. Pascal, entre 2 verres à servir, fleurette avec une jeune et jolie inconnue qui est venue au 4 pour la première fois, effarouchée et timide. Quant à moi je suis là, je me sens bête, cheveux sur la soupe, allant de groupe en groupe, lançant une boutade, disant un mot gentil ou banal. Caressant au passage une hanche ronde, à la fois capitaine de navire et valet attendant d'être sonné. Peut-être Isabelle est-elle déjà rentrée. J'appelle l'appartement. En vain. Elles sont donc encore ensemble. Pourquoi n'a-t-elle pas téléphoné pour que je les rejoigne comme prévu? Sans doute Isabelle n'en a-t-elle même pas parlé à Alice, pour rester seule avec elle. J'enrage. Alice est trop faible. Ou bien serait-elle assez cruelle pour laisser Isabelle imaginer, espérer. 1h, 2h du matin. Pas d'Alice, pas d'Isabelle à la maison. Pas d'Elula non plus. Mon sourire est plaqué comme un masque. Heureusement j'ai assez de métier pour dissimuler mes ennuis personnels. Les femmes qui sont ici ne viennent pas pour entendre mes histoires, mais pour oublier ou parler des leurs, pour s'amuser et danser. Pour flirter ou draguer, je régis l'ordonnance de leur nuit de fête et d'oubli, rien d'autre. 3h. Sur la piste où clignotent les spots de couleur, une noire superbe jerque seule. Les unes après les autres, les danseuses se sont écartées puis assises pour l'admirer. Bête féline, sauvage, reins ondoyants, pantalon moulé, chemisier noué sur des seins provoquants, elle semble ignorer les regards, son œil. Cependant, accroche son image dans les miroirs des cailles blondes qui ceinturent la piste. Des femmes qui aiment les femmes admirent une femme qui danse et s'offre. Seule, inconsciente de son ridicule, de ses faits touchantes, tout à son rêve, un pachyderme occupe une partie de la piste. Elle tourbillonne, moitié yoga, moitié bolkoï. Elle bouscule l'ordonnance parfaite du spectacle que nous offre la noire régine. C'est beau, elle est belle, mais je la regarde sans voir, noyée en moi-même, angoissée et furieuse. J'essaie une dernière fois d'appeler la maison. Isabelle n'est toujours pas rentrée. Je n'y tiens plus. Je monte à la mezzanine où Aimé joue au flipper avec Eugène et Henri. Je rentre, Aimé, fatiguée. Bonsoir. Un léger baiser au coin des lèvres. Elle est absorbée par la partie. L'habit d'acier court comme une folle. Comme elle, je monte dans ma voiture et cours de boîte en boîte. Je vais dans tous les endroits où nous avons coutume d'aller. Je ne demande pas si on les a vus, par peur du ridicule. Je ne veux pas avoir l'air de les chercher. Je descends même dans les antres obscurs et assourdissants des garçons. Le temps passe lentement, je m'épuise à conduire, à garer la voiture, à entrer dans les lieux de la nuit, à parler, le moins possible, il est vrai moins, à sortir, à conduire à nouveau, à garer, à partir, à désespérer. Je ne les trouve nulle part. Finalement, j'abandonne mes recherches et des fatiguées, furieuses, résignées. Je rentre à la maison traversant Paris tout vide à cette heure qui est la mienne. À peine ai-je enlevé mon manteau que j'entends le bruit d'une clé qui a du mal à s'introduire dans la serrure. Je ne dois surtout pas montrer ma colère, je n'ai, en théorie, rien à lui reprocher, elle est libre de ses actes, ne l'oublions pas, ne le lui ai-je pas assez ressassé ? Isabelle titube un peu, elle est décoiffée et totalement démaquillée. Elle s'arrête, me regarde en silence et puis sourit étrangement, avec cette expression figée, accentuée par la pâleur, qui marque parfois le visage de ceux qui ont trop bu. J'étouffe en moi l'orage qui gronde et lui sourit aussi. « Toi, tu as fait l'amour, lui dis-je, sur un ton on ne peut plus éloigner des sentiments qui à cet instant m'agitent. Mais non, me répond-elle d'un air absent. » Sans trop y mettre de conviction, elle a beaucoup bu. Je la connais bien, je la connais trop. C'est avec Alice, n'est-ce pas ? Mais non, mais non. Ma voix reste posée alors que mon corps tremble, que j'étouffe et suffoque. Tu étais pourtant avec elle ce soir ? Elle s'est assise sur le tapis et joue avec le chien Victor qui lui lèche le visage. Avec elle, ou toute seule, quelle importance ! Il y a longtemps que je suis toute seule. Toute seule, toute seule. Répète-t-elle, absente, avec une voix que j'entends à peine. En tout cas, j'espère que ce n'est pas avec Alice. Pourquoi pas avec elle ? Tu mérites mieux que ça. Elle ne t'intéresse pas. Peut-être, tu es folle. Ce petit Jules ? J'ai quand même d'autres possibilités. Non, si je voulais. Ah, mais voilà. Tu ne veux plus. Parfaitement. Cela ne m'intéresse pas. Je suis seule. Je me suis promenée dans Paris, seule, toute seule. Poursuit Isabelle d'une voix incertaine. Je n'ai plus d'amour, je n'ai plus de maison, je n'ai plus de maman. Mon chien, mon petit chien, viens-toi. Oui, toi, tu m'aimes et moi je t'aimerai toujours. Je ne peux rien répondre. Mon cœur fond, mon cœur saigne, mais je ne peux pas avancer la main vers elle. Ma rage contre Alice, mon désarroi, sont trop grands. Isabelle, mon chéri, quel démon m'habite ? À quoi te sacrifie-je ? Quel démon me pousse à t'écarter de ma route, impitoyablement, à te balayer, à te jeter à terre, à te faire mal, à toi qui n'as jamais été pour moi que la douceur, la tendresse, la beauté et la passion. Une fois de plus tu t'endormiras contre moi, pas dans mes bras. Je n'ai pas eu le courage de t'y enclore. Et puis, de quel bras sors-tu, Isabelle, m'a délaissée ? Je ne suis plus que crainte, incertitude, dégoût, peine, colère et déception. Je n'ai pas pu dormir. Dès 9 heures, je me lève doucement, m'habille et pars, comme à Cannes. Les jours où Alice était du matin et où je la rejoignais tôt, titubant de fatigue et de sommeil mais volant vers ces effleurements que je quêtais, que je mendiais comme une miséreuse. Je laisse un mot à Isabelle pour lui dire que je vais faire des courses. Elle le trouvera vers midi, à son réveil. Mais d'ailleurs, peu m'importe, plus rien ne compte que mon angoisse, ma colère et mon incertitude. Je vais chez Alice, rue Princesse, où elle vit, avec sa sœur et son beau-frère. Je connais l'immeuble mais j'ignore l'étage. La concierge me renseigne. Escalier gluant, couloir visqueux, immeuble sordide. Est-ce pour cela qu'elle n'a jamais voulu que je l'y rejoigne ? Je frappe, je sonne, je tambourine. Elle a le sommeil lourd, je le sais. Alors j'insiste, longtemps. Les voisins entr'ouvrent leurs portes, intrigués. Je ne les regarde pas. Je redescends chez la concierge. Non, elle ne sait pas si ma demoiselle est là, mais sa sœur rentrera à midi, comme tous les jours. Il est 10 heures. Décembre touche à sa fin, et il fait froid, très froid. Je m'assieds sur une marche. Je claque des dents. Non loin une cloche sonne les quarts, les demi et les heures. Saint-Germain-des-Prés sans doute ou peut-être Saint-Sulpice. J'essaie de deviner quelles églises ainsi marquent le temps qui passe pour oublier que j'ai froid, que j'ai froid dedans et que j'ai froid dehors. De temps en temps je me lève pour me réchauffer, je sautille, je me frotte les bras et je vais à nouveau frapper à la porte. On ne sait jamais si elle se réveillait. Comme hier, je l'attends, humiliée, douloureuse. À midi sa sœur arrive, elle est mignonne, gentille, elle est venue au club et me connaît, elle s'étonne de me voir là, plantée sur son palier, défaite, les lèvres bleues et tremblantes. J'articule difficilement, j'invente un prétexte. Je dois voir Alice pour une livraison urgente au 4 cet après-midi. Elle ne vous a pas ouvert? Je ne sais pas. Je viens seulement d'arriver. J'ai sonné mais ça ne répond pas. Entrez donc. Vous savez, quand elle dort. Point d'exclamation. Elle ouvre la porte sur un deux pièces exigu dont l'une est occupée par un lit. Tiens, elle n'est pas là. Elle n'a pas dormi ici? Ben, non. Ça lui arrive souvent? Non. C'est la première fois qu'elle découche. Bah. Elle est majeure, je badine, je frissonne, je claque dedans et ne peux me contrôler. Vous avez froid, et Lula? Non, pas vraiment. La fatigue sans doute, car je n'ai pas beaucoup dormi. Dites-moi, est-ce que je peux l'attendre ici? Mais bien sûr, je vous laisserai car je repars travailler à 1h30. Vous mangez quelque chose? Non, merci. Elle grignote une pomme. Fait la vaisselle de la veille qui emplit l'évier dont les carrelages qui le surplombent sont pour la plupart brisés. Je regarde cet endroit si pauvre, ce lit unique où Alice et le jeune couple se relayent, les uns partant travailler lorsque l'autre rentre à l'aube. Sans doute est-ce la raison pour laquelle Alice traînait tous les matins jusqu'à 8h. Pourquoi ne me l'avoir jamais dit? Quelle honte de vivre chez des gens modestes. Ai-je l'air à ce point snob, ou inhumaine? Quelle fierté mal placée, comme elle me connaît mal. La sœur me montre l'album de photographie. La famille d'Alice ressemble à l'histoire de sa vie qu'elle m'avait racontée dans la garrigue. Il y a plus de 3 mois déjà, certaines photos me font découvrir une Alice insolite, la voici par exemple en jean et t-shirt, évidemment, mais bronzée, comme je ne l'ai jamais vue à Cannes, dorée, avec les cheveux presque blonds, les yeux encore plus bleus, appétissante, saine, petit garçon qui rit aux éclats, des neveux et des nièces pleins les bras, elle a un air que je ne lui ai jamais vu, heureux. Paisible et beau, j'ai le cœur tout lourd. La petite sœur est repartie. Je m'allonge sur le lit communautaire. Je claque toujours des dents malgré le radiateur qui maintenant rougeoie auprès de moi, malgré le plaid où je m'enroule. J'ai froid dedans, un froid que nul feu, nulle couverture ne peuvent faire passer. Enfin, j'entends dans l'escalier des pas que je reconnais, je me dresse un bond. M'avance vers la porte et reste debout dans l'embrasure. Elle paraît. Elle blêmit. Ma présence lui fait un choc. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Pas un geste de tendresse. Pas un mot. Elle passe devant moi pour entrer dans la chambre. Elle fouille dans la valise posée à terre, au pied du lit, en sort une chemise, la lisse du plat de la main, la tourne et la retourne pour ne pas me parler. Elle s'affaire pour mieux absorber en silence l'effet que ma présence surprenante en ce lieu a sur elle. Grelottante, les jambes molles, la bouche emplie de boue amère, je me lance. J'ai attendu ton coup de fil cette nuit. Je n'ai pas pu. Parce que tu étais avec Isabelle. Non. Inutile de mentir. Elle me l'a dit. Je ne mens pas. On a dîné ensemble et après, elle est partie. Pour aller où? Je n'en sais rien. Je n'ai pas à la surveiller. Vous étiez ensemble. Elle est rentrée à 5h du matin. C'est possible. Tu as couché avec elle. Tu es folle. Alors où étiez-vous? Dans aucune boîte. Je les ai toutes faites. Mais si, c'est faux. Je vous ai cherché partout. Je n'étais pas avec Isabelle, je te le jure. Alice, je t'en supplie. Ne recommence pas comme à Cannes. Pas deux fois. On n'assassine pas deux fois la même personne. Je te donne ma parole que je n'étais pas avec elle. Mais elle t'aime, j'en suis sûr. Elle s'assied sur le lit et prend sa tête entre ses mains. Je n'en peux plus. Je vais repartir à Cannes. Pourquoi? C'est trop compliqué. Je ne sais pas comment te dire. Ça y est, c'est le cauchemar qui revient. Elle emploie presque les mêmes mots. Est-ce que je deviens folle? Pourquoi veux-tu partir? Tu ne m'aimes pas. N'est-ce pas? C'est cela, dit-il. Mais si, je t'aime, tu le sais bien. Mais avec Isabelle, je ne veux plus lui faire de peine et en ce moment, à cause de moi, parce que tu m'aimes justement, tu l'as fait souffrir. Patience, elle ne va pas souffrir longtemps. Elle est belle, elle est jeune, à son âge on oublie vite, on cicatrise facilement. Elle aimera bientôt ailleurs, et elle ne souffrira plus. Et puis je serai toujours là pour l'aider. De toutes les façons, je ne la laisserai pas tomber, tu le sais bien, tout cela nous l'avons évoqué mille fois, pourquoi tout remettre en question? Isabelle va te quitter bientôt. Non, je ne crois pas. Je réponds comme une somnambule, mécaniquement, sans penser à la portée de ce que je dis, je parle sans réfléchir, épuisé, bouleversé. Elle me l'a dit. Non, Lisa, dis-je en prenant dans ma poche le doux mot d'Isabelle. Elle me l'a laissé hier au soir avant de partir. Je ne suis mûr ni pour une séparation, ni pour un nouvel amour. Son visage change, se durcit. Elle m'interroge, glaciale. Quand a-t-elle écrit ça, tu dis? Hier au soir, avant de partir dîner avec toi. Elle serre les mâchoires et me rend le billet. Je le remets dans ma poche, ce petit mot froissé. Ce SOS que je n'entendais plus car j'étais déjà sur l'autre rive. Un silence lourd s'installe entre nous. Mais où suis-je? Que suis-je en train de faire et de dire? Soudain, la neige fond au soleil. Son regard acier devient mer liquide. Elle me sourit tendrement et pose sa main sur ma cuisse. Je t'aime. Ne me soupçonne plus. Je te jure que je n'étais pas avec Isabelle. J'ai dormi chez Jean-Pierre car j'étais trop saoule pour rentrer seule. Je veux la croire. Il me faut la croire. Je suis à la merci d'Alice. La moindre tendresse et je m'abandonne. Je te crois mon amour. Mais alors, où était Isabelle? Et avec qui? Je ne le sais pas. Je te le jure. Lorsqu'on s'est quitté vers 2 heures du matin, elle m'a dit qu'elle rentrait. Aurait-elle rencontré une autre fille après t'avoir laissé? Ce serait trop beau. Il faut l'espérer. Mais je t'en prie, Alice, pour la dernière fois, ne sors plus avec elle. Nous jouons un jeu cruel car je suis sûre qu'elle est amoureuse de toi. Tu rêves. C'est un copain, c'est tout. Je l'aime bien et elle aussi. J'ai déjà entendu ça cet été. Je t'en prie, ne recommençons pas le cauchemar. Elle me bâillonne d'un baiser. Je fonds. Je pleure de soulagement. Elle me serre dans ses bras. Je te le promets. Si tu penses que c'est mieux. Bien sûr, je sais. Éloigne-toi d'elle. Ne cède plus à ses invitations. Il ne faut pas. Il faut lui laisser la possibilité de voir d'autres filles. Il ne faut pas lui donner de vains espoirs. Tu te rends compte de la situation si elle venait à t'aimer vraiment? Elle éclate de rire. Elle est au-dessus de moi. Sur ce lit où j'ai eu si peur, si mal et si froid, son corps léger se fait plus lourd, plus insistant. Sa main caresse mes seins, mes hanches. Je me redresse doucement. Je n'ai pas envie de ça. Assez de sordide, assez de caresses à la sauvette. Je veux tout ou rien. Je ne veux pas jouir. Je veux aimer. Je coupe court à ses étreintes. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Et ensuite faire des achats de Noël. Moi aussi. Elle secoue sa crinière qui cache un instant son œil rieur, malicieux, où ne traîne plus aucun nuage. Promets-moi, alors, de te tenir au large d'Isabelle. Pour elle. Pour nous. Je te le jure. Je ferai gaffe. Nous nous séparons au coin de la rue du Four. J'ignorais alors qu'à ce même endroit, quelques heures plus tard, une femme mûrissante allait souffrir et en mourir. 8. Pourquoi m'ignorer ainsi? Qu'as-tu fait de tes promesses? Le 4 est bondé, comme tous les vendredis, et entre deux mots dont j'ai oublié le sens, lancé à deux clientes dont j'ai oublié les visages, mon bras sur son épaule, j'interpelle ainsi Alice qui passe à mes côtés les mains chargées de verre. Elle m'a croisé mille fois déjà sans un seul regard, sans un geste tendre ou complice. J'étais soudain devenue transparente. À chaque fois pourtant, elle s'arrêtait auprès d'Isabelle, la plaisantait, la touchait, la regardait avec ses yeux que j'avais ce soir cherché en vain à retenir et que je connaissais si bien. Elle me lance un regard mauvais. Laissez-moi travailler. Je suis ici pour ça. Elle se dégage brutalement dans un tintement de verre et de glaçons avant de s'éloigner vers le fond de la salle. Je dois être livide. Aimer s'est approché, Intrigué, qu'y a-t-il? Ça ne va pas avec Alice. Non, non, ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. Je plaque un sourire professionnel sur mon visage un instant à la dérive, et je retourne vers tout ce monde qui emplit le club, mais que je distingue à peine, surmontant encore une fois mon amertume et ma colère. Je ris, je bavarde. Bref, je travaille comme si rien n'avait lieu. Je sens obscurément que cette fois-ci le dernier acte est entamé. Je crains d'ignorer mon rôle. Et je n'ai personne sur qui m'appuyer. Je n'ai pour compagnon que le désarroi, la peur et l'émotion. Le temps s'écoule avec une effroyable lenteur et sans nul plaisir pour moi. À 6h du matin, les dernières clientes nous quittent. Nous sommes toutes là pour fermer le club. Momo aide Alice à sortir les poubelles. Au deuxième voyage, Isabelle les suit. Je n'y tiens plus. Toute la nuit j'ai contemplé impuissante, muselée, leur badinage. J'ai même surpris leur regard moqueur. Je bondis, je me précipite vers la porte et ne puis m'empêcher de crier, de hurler. Isabelle, reviens tout de suite. Comme si elle n'attendait que cela, Isabelle se jette sur moi, telle une furie, poing en avant, et essaie de me frapper. Fous-moi la paix, il y en a marre, salope, salope. Point d'exclamation. Alice l'attrape à bras le corps et l'entraîne vers l'intérieur en criant. Ne la touche pas, ne la touche pas. Je reste atone, cloué sur le trottoir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne la touche pas. À qui s'adressait-elle? À moi, de peur que je frappe Isabelle, ou à celle-ci pour qu'elle ne me frappe pas. Où en sommes-nous? Que se passe-t-il? Je ne sais pas, je ne sais plus. Immobile, j'entends, étouffé par la porte qui s'est fermée, la voix hystérique d'Isabelle criait des mots que je ne comprends pas. Je me surprends soudain à la haïr. Alice sort en trombe, enfilant son blouson de cuir, sans un regard pour moi, toujours figé, vêtements plantés dans la rue. Isabelle apparaît à son tour, se lance en courant à sa poursuite. Elle la rattrape, entoure les épaules d'Alice qui se débat, puis cède à la caresse. Elle marche vers la rue de Rennes. Isabelle lui parle avec véhémence. Toutes les filles sont maintenant sorties du 4. J'ai l'impression d'être la spectatrice de la pièce où je devais jouer. C'est le dernier acte, je n'ai plus aucune dignité, j'ai perdu ma fierté, je pars pour les rejoindre en criant, affolée, Alice, Alice, Alice. Je la vois secouer la tête, elle semble vouloir s'arrêter. Isabelle, penchée sur elle, ne cesse de lui parler et l'entraîne à nouveau. Tout est désert et la saison veut qu'à 7h la nuit soit encore profonde. Je presse le pas pour ne pas les perdre de vue. J'ai laissé mon manteau au club, je claque des dents mais est-ce de froid? Alice, Alice, derrière moi, Mariam tente de me retenir. Arrêtez, Elula, laissez-les partir. Vous auriez dû la renvoyer depuis longtemps, cette salope. Un cortège s'est formé, qui longe les vitrines, Momo, Pascal dans la voiture d'Aimé. Elle a baissé la vitre et moquerie. Arrête-toi, tu es ridicule. Je n'entends rien. Je dis Alice mais c'est au secours que je crie. Je sais que c'est inutile. Je sais qu'elle ne me répondra pas. Enfin, au coin de la rue du Four, devant la poste, elles se sont arrêtées. Elles se retournent et me font front. Isabelle me défie l'air dur, méchant, ironique. Alice garde la tête baissée. J'arrive à leur hauteur. Derrière nous, le cortège s'est immobilisé. Quelques taxis circulent dans la rue vide. Un groupe d'Antillais sort du bal voisin. Une concierge emmitouflée se tient devant sa porte cochère. On regarde avec curiosité ce cortège de filles sans hommes. Je me maîtrise. J'ouvre la bouche. Je joue ma dernière carte. Je suis lucide et hagarde. Je me sais ridicule et je me sens perdu. Maintenant Alice, ça suffit. Vous allez choisir. C'est Isabelle ou moi. Isabelle éclate de rire. Tu n'es qu'une vieille femme. Alice se lève enfin la tête. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle est à 1 mètre d'Isabelle, à 2 mètres de moi. Elle me transperce de son regard si pur, si clair, si bleu. Elle me sourit. Était-ce un cauchemar? Elle me sourit et prend le bras d'Isabelle. Elle tourne les talons, elle a un taxi, s'y engouffrent et disparaissent dans la nuit. Tout était horriblement semblable à ce que j'avais déjà vécu. Cette répétition rendait l'événement encore plus cauchemardesque. Je n'avais rien appris, je ne savais pas mieux me défendre aujourd'hui qu'hier. J'étais à nouveau berné, trompé, humilié. Malgré les doutes qui cette fois-ci n'avaient pas cessé de m'assaillir au sujet d'Alice et d'Isabelle, malgré mes craintes, malgré tous les signes avant-coureurs que j'avais pourtant bien interprétés avant que le désir ne m'aveugle à nouveau, je n'en ressentais pas moins aussi durement, aussi violemment qu'à Cannes, l'aveu qu'on venait de me lancer à la figure. Pour la deuxième fois, on m'avait poignardé à mort. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas gémi. Vieille femme ensanglantée, je suis là, debout, hébétée, sans esprit, dans la nuit, au bord du trottoir. Sans trop savoir comment, je me retrouve dans la voiture d'Aimé, miraculeusement vidée de ses occupantes. J'ai le temps d'entrevoir Marie en larmes, immobile, devant un magasin de chemises. Les sanglots me submergent enfin. D'une voix cassée, déchirée par les plaintes, je raconte à Aimé qui m'écoute en silence l'histoire de ma passion pour Alice. Lorsque je me tais, épuisée de douleur, nous sommes depuis longtemps arrêtés devant l'immeuble où j'ai partagé la vie d'Isabelle. Aimée monte avec moi, me déshabille, me borde, me calme, me caresse le visage. Je ne sais pas ce qu'elle a compris de cette histoire que j'ai vomie, racontée d'un seul trait, entrecoupée de sanglots, de gémissements, d'invectives et d'insultes. Dors maintenant. Demain j'irai voir Isabelle, je te le promets. Oui, oui. Dis-lui la vérité, elle ne peut pas rester avec cette ordure. Qu'elle revienne, il faut qu'elle revienne à la maison. Aimé est partie. Je suis seule avec mes ruines, avec les cendres de mes amours. Je me redis, presque mot pour mot, les mêmes choses qui m'avaient envahi à Cannes. Je me pose à nouveau les mêmes questions, je m'accuse et m'indigne. Mais aujourd'hui je pleure sur moi-même, je pleure le départ d'Isabelle, je n'ai plus rien à renier. Personne à insulter, personne pour partager mes larmes. Mon Dieu, comme le souvenir est voisin du remords. Isabelle, Isabelle, ton départ me vide. Je ne ressens aucune peine pour la perte d'Alice. Et moi qui croyais l'aimer. Est-ce possible? Est-ce par orgueil que je la chasse si vite de mon esprit? Est-ce par dépit que je me dis et redis que ma vie n'est rien sans Isabelle? Non, l'instinct ne calcule pas. Le cœur ne résonne pas. Dans ce déferlement de douleur, dans ce désespoir où je sombre, éperdu, je crois, malgré tout, que mon cœur dit vrai. Le voile qui m'aveuglait se retire de mes yeux humides, la vérité reprend ses droits et s'installe en moi comme une évidence, et, même si c'est au prix de mon existence, mes sentiments s'ordonnent. Mon esprit n'est plus agité par ces passions contraires qui déformaient ma vie. Lentement, doucement, je ne savais pas qu'on pouvait ainsi s'assoupir dans la tempête. C'est la première fois, n'est-ce pas? Je n'en ai pas encore l'habitude. Jamais pourtant je n'ai eu aussi mal. C'est ainsi que, l'esprit presque installé dans le sommeil, la mort de mon père me revient à la mémoire. Je me rappelle alors avoir vidé mon corps de toutes ses larmes. Tapis dans un coin de ma chambre, dans la villa, à huée, surpeuplée de famille, maudissant Dieu de me l'avoir à jamais enlevé. Mais peu après, la gorge encore douloureuse d'avoir tant pleuré, je dévorai à table un énorme beefsteak de buffle sous le regard surpris des adultes qui, ne pouvant s'expliquer mon calme, tout apparent pourtant, me jugèrent insensible, parce que sans pleurer, je nourrissais mon corps. Inconnu ce troisième parti élu la nuit et jour. 1. Le téléphone me réveille, c'est Aimé. Elle vient en messagère, savoir si elle et Isabelle peuvent passer chez moi pour chercher quelques vêtements, enlever les dernières traces. Isabelle, tu as peur de venir toute seule, peur de moi. Pourquoi? On sonne. Ça y est, elles sont là. Aimé silencieuse, attentive, craignant des cris, des larmes, des coups. Et Isabelle, mon Isabelle, le visage fermé, buté, que je connais trop bien. Son pauvre petit visage pâli, amaigri, tiré. Et moi, aveugle et sourde, je n'avais rien vu, rien deviner. Je voudrais avoir 6 mois de moins. Être au mois de juin. Je voudrais la prendre dans mes bras, l'accueillir encore, avec Victor le chien, en applaudissant de joie, en criant, comme ce jour où elle était revenue, le jour des photos. Elle est allée dans sa chambre. Nous l'avions aménagée pour ranger toutes ses robes, son zoo de peluche. Je l'entends fouiller les tiroirs, ouvrir les placards, claquer les portes. Tout est vide. Aimé fume, regarde distraitement la scène par la fenêtre, silencieuse, dans cette maison qui a été la sienne, où nous avons presque tout choisi ensemble. Je me tais. Isabelle s'est changée, elle porte un jean tout simple, une longue chemise blanche. Elle est belle. Isabelle, elle me regarde, ironique, condescendante, illusion peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle joue, qu'elle triche. Son sourire est trop gai. Mon petit, mon tout petit. Où est ta victoire? Qu'as-tu gagné au change? Cette petite gouine, qui s'est moquée de nous? Je ne me retiens plus, disposée à tout lui dire et la voix cassée. Isabelle, ne pars pas. Pas comme ça. Je veux que tu saches. Écoute-moi bien, j'ai couché avec elle, à Cannes. Et ici,